Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui Brill, 1980-1987, un combat de femmes, émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui commence plus précisément en 1977. Elle nous raconte l'histoire de Sylvie, Marie-Thérèse, Marie-Claude et Pierrette, ou encore Nicole. Elles sont, parmi d'autres, les ouvrières de l'usine Brill, située au 47 Quai du Roi, à Orléans. C'est une fabrique de vêtements pour hommes, marque haut de gamme, genre Pierre Cardin. Le 22 mai 1980, l'usine ferme ses portes. Mais ces femmes décident de lutter. D'ailleurs, cela fait déjà plus d'un an qu'elles se battent pour leur emploi. Lutter, mais aussi continuer à couper, coudre, fabriquer des costumes pour hommes. En un mot, garder leur usine. Alors, pendant des mois, elles frappent à toutes les portes, aidées et soutenues par la CGT et le Parti communiste français. Dans les couloirs des ministères et des administrations, on leur répond « Brill, oh, c'est une affaire classée ». Puis elles obtiennent enfin l'accord pour leur projet de coopérative. C'est ça leur idée, créer une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Ainsi, leur usine ne sera pas fermée ni délocalisée à l'étranger. Et même si de 300 salariés, elles passent à 70, chacune d'elles deviendra polyvalente et elles se formeront, car elles peuvent tenir avec cette formule et développer de nouvelles marques, et elles le savent. Sur ce marché du vêtement masculin haut de gamme, il y a une place. Pour elles, leur place. Dans ces années 80, beaucoup de sociétés ferment, sont mises en liquidation. Le chômage explose, mais les ouvriers et les ouvrières ont rarement la parole. Alors, comme à Brill, des femmes s'expriment et se battent, comme dans l'affaire Furnon, dans le Gard, où le patron n'embauchait jamais d'ouvrières au-dessus de 20 ans, car les cadences, disait-il, étaient trop infernales. Épisode devenu un symbole à l'époque de la férocité de certains patrons, un exemple parmi tant d'autres. Et même si ces jeunes femmes ont fini par se lasser, leur acte et leur lutte ont agi comme révélateurs dans un domaine, celui de l'habillement et du textile, où les employés, essentiellement féminines, étaient exploitées, mal payées. Un peu partout en France, dans ces années-là, les ouvrières sont rebelles, et dans des milliers de petits ateliers, de petites entreprises, celles qu'un patron parisien qualifiait de « Marie Salope », comme le dénonçait le journal L'Humanité dans un article de février 1981, eh bien elles se soulèvent, rédigent des tracts et les signent du nom des « Marie Rebelles », des insoumises. Après la fiction, et pour nous aider à réfléchir sur l'histoire de la lutte et de l'honneur de ces femmes, nous retrouverons Sylvie Dubois dans les studios de Radio France à Lyon. Sylvie Dubois était l'une de ces ouvrières de Brill. Oui, elle a participé à toutes ces luttes, et en était d'ailleurs l'une des porte-paroles. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Brill, 1980-1987, un combat de femmes, de Jean-Pierre Tiercelin, une réalisation de Michel Sidorov. Automne 1977, Orléans, Quai du Roi en bord de Loire, atelier de l'entreprise Brill, usine de confection pour la haute couture homme. Marie-Claude ? Marie-Claude ? Quoi ? T'as vu mon tas de poches ? Bah dis donc ! Alors toi, quand tu t'y mets ? Salut Sylvie. Alors comment elle va notre nouvelle pocheuse ? Tu prends tes marques ? Ah salut Marie-Thérèse. Oui, piquer des poches c'est pas compliqué. Une fois que t'en as fait une, tu peux en faire 100. C'est juste un peu monotone, mais ça va. J'avance bien. Je vois ça. C'est toi toute seule, cette pile de tickets orange ? Bah ouais, bien sûr. Un ticket par poche, si j'ai bien compris. Vu qu'on est payé aux pièces. Ici, on dit payé au boni. Ah. Mais ça veut dire la même chose. À propos, je voulais te dire... Il y a un problème ? Non, ça fait plaisir de voir une petite jeune pleine d'allant qui a envie de travailler. Mais c'est surtout que j'en ai besoin. J'ai pas le choix, nos parents sont morts, c'est ma sœur qui nous a élevés, et même avec un CAP de couture, je me retrouve en usine à faire des poches du matin au soir. Je comprends. Mais tu sais, ici dans l'atelier, il y a beaucoup d'ouvrières plus âgées. Elles ont du mal à tenir la même cadence. Et comme pour les chefs, ça va jamais assez vite, elles vont se trouver en difficulté par rapport à toi. Alors si tu pouvais réduire un peu le rythme, ça serait sympa de ta part. Oh, mais bien sûr. Faut pas hésiter à me dire. Je suis pas là pour casser le travail des camarades, hein, surtout pas. Tu sais, moi, la solidarité, ça passe avant tout le reste. J'en mets de côté pour demain, et comme ça, tout le monde sera content. Marie-Thérèse, pas de conversation privée pendant le travail. J'allais aux toilettes. Je donnais un petit conseil à Sylvie en passant. Eh bien, vous le lui donnerez plus tard. Pour ce qui est des toilettes, vous ne m'avez pas demandé la permission. Alors vous attendrez un peu, ça va sonner dans quelques instants. Retournez à votre table, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Oh, mais quel pot d'aron, celui-là. Je te jure. Et encore, aujourd'hui, il n'a pas pris son chronomètre. Je lui mettrai bien quelque part, tu vois. Attention, le chef nous regarde. On va le laisser sortir. Comme ça, on sera tranquille. N'oublie pas, avant de partir, faut bien nettoyer ta machine. Bien enlever toute la bourre avec le pinceau et la balayette. Ouais, comme ça. Et puis là aussi. Quand t'as fini, oublie pas de la huiler bien comme il faut. Maintenant, c'est ta machine à toi. T'inquiète, je vais la bichonner. L'outil de travail, c'est sacré. Ça y est, il est parti. Dis donc, c'est plutôt tendu, hein. Il se prend pas pour n'importe qui, celui-là. C'est un homme. C'est pas plus compliqué que ça. Il est chef dans une usine où il y a 90% d'ouvrières et aucune en situation de décision. Alors pour lui, la vie est belle. Mais il ferait bien de se dépêcher d'en profiter, parce que tu vois... Parce que ça durera pas, c'est ça? Tu vois bien, ça restructure de partout. Compression de personnel, délocalisation à l'étranger... Mais pour nous non plus, ça peut pas durer. Ils nous mettent une pression pas possible. Les cadences sont infernales, le matériel vieillit. Il y a 2 ans, en 75, on s'est mis en grève pour les salaires. On a eu gain de cause, mais pour combien de temps? Je les soupçonne de nous garder sous le coup d'un plan de licenciement de derrière les fagots. Ah, voilà Marie-Thérèse. Ça va? Bah oui, il en faut plus pour me démonter. Marie-Claude est en train de te mettre au parfum pour Brille? Ouais, elle fait ça très bien. Tu m'as l'air d'avoir les pieds sur terre, c'est bon signe. Tu sais ce qui nous sauve, du moins pour l'instant, c'est que nous travaillons exclusivement pour la haute couture. Le costume masculin de luxe. La moitié du chiffre d'affaires se fait sous la griffe Cardin. On a un savoir-faire irremplaçable, surtout pour le sur-mesure. Et ça, c'est notre force. Ce sera à nous de savoir en profiter le moment venu. Au niveau syndicat, comment ça se passe? Depuis 10 ans, la CGT est bien implantée. On est soutenus. Mais la fragilité, c'est la division du travail. Tu vois, toi tu fais des poches, que des poches. Les coupeuses coupent, les boutonnières boutonnent, les repasseuses repassent, et ainsi de suite. Chacune ne sait faire qu'un tout petit bout de l'ensemble, même si elle le fait bien. C'est pareil pour les 3 grandes chaînes là-haut. Que ce soit les vestes, les gilets, je te parle même pas des pantalons. Avec eux, il n'y a aucune communication. C'est comme ça. Pour l'instant, la vision d'ensemble, c'est les chefs qui l'ont, pas nous. Allez, on y va, les filles. Allons respirer l'air de la Loire, ça nous fera du bien. Bon, bah, si je comprends bien, va falloir se retrousser les manches. Ça me changera des poches. Juillet 1980, Orléans, quai du Roi, intérieur d'une caravane dans les murs de l'entreprise Brille. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassés. Vous êtes remercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Alain, tu tiens vraiment à cette chanson? Elle est super cette chanson, mais bon. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Moi qui étais venu pour vous soutenir. C'est très gentil à toi, Alain, mais il faut comprendre. Tout le monde est un peu fatigué. Elle est belle, cette chanson. Bon, c'est pas le tout. Pierrette, t'as ton cahier? J'ai toujours mon cahier. Qu'est-ce qu'on ferait sans les cahiers de Pierrette? Je te revois le 22 mai, quand ils ont annoncé le dépôt de bilan. C'est là que tu as sorti ton premier cahier. Oui, pour noter les équipes qui allaient se relayer. 4 groupes de 10 personnes. Les mains se sont levées tout de suite. J'ai commencé à faire les colonnes et à inscrire les noms. 318 salariés sur le carreau, alors que les carnets de commandes sont pleins. Les copines répétaient en boucle. C'est pas possible, ils nous jettent comme des Kleenex. On est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi, Sylvie, qui a lancé le mot. On occupe. Bah, j'avais suivi l'occupation de l'usine où travaillait ma grande sœur. Les patrons avaient déménagé les machines dans la nuit. 9 mois de lutte, une ambiance de camaraderie formidable. Alors le 22 mai, j'ai dit « on occupe ». Ça me paraissait évident. Et nous, on a dit « on te suit ». On n'avait rien à perdre. Il y avait des camarades paniqués. « Occupés ? Mais t'es folle, on n'a pas le droit !» Faut les comprendre. La peur de l'inconnu, toujours. Les patrons comptent là-dessus. Mais là, ils ont fait fausse route. Dès le début, l'occupation de l'usine a été exemplaire. Le syndicat et la Fédé nous soutiennent bien. Depuis le premier soir, ils montent la garde devant la grille. N'empêche qu'à la NPE et aux ACEDIC, ils ont été un peu surpris quand on a débarqué en blouse de travail pour négocier nos dossiers. Et à la préfecture, toujours en blouse. Quand vous vous enchaînez aux grilles, les pauvres flics, ils savent plus où donner du coup de boulon. Du coup, la presse réplique. Même la presse nationale. Marie-Thérèse, tu gardes bien tous les articles surtout. T'inquiète. Moi, j'ai un faible pour l'article du Matin de Paris. Ce conflit est un conflit de femmes. Elle se révèle dans cette épreuve organisée, rationnelle, prudente. Après avoir interdit l'entrée de l'usine à la direction et aux experts commis par le syndic, elle précise avec calme que rien ne se passera qu'elle ne puisse contrôler. Et c'est écrit par un homme. Ah, bravo. Dis donc, Alain, tu veux pas nous déboucher une bouteille? Ça nous donnerait du cœur à l'ouvrage. À volontiers. Et puis, il faut fêter votre installation dans la caravane. Oh, t'as raison. Ça s'arrose. Désormais, c'est notre quartier général. Quand je pense que le syndic voulait nous faire partir en vacances, histoire de nous éloigner, la ficelle était un peu grosse. Hein. Mais nous, on occupe même pendant les vacances. Maintenant, c'est les vacanciers qui s'arrêtent chez nous. Une chance que la nationale passe derrière l'usine. Ils partent tous par là. Avec la banderole d'Alain, vente directe à l'usine. On a drôlement bien vendu. Et c'est pas fini. Ah tiens, voilà Nicole. Bah dis donc, tu es chargée. Faut ce qu'il faut, j'avais promis de faire les courses. Mais il y a de quoi tenir un siège. Bon, remarque, dans la situation actuelle, on n'est jamais trop prudent. Bon, ce soir c'est moi qui fais le dîner. Il est drôlement bien le fils de notre copine Monique. Militant, fils de militant et cuistot hors pair, qui dit mieux? Arrêtez sinon je vous remets Eddie Mitchell. Allez, un petit grimeunier pour déclencher les hostilités. Faut bien aider les producteurs locaux. En tout cas, ton barbecue pour les journées portes ouvertes, c'était une réussite. Oh oui, une vraie réussite. J'ai peine à croire qu'on a fait visiter l'usine à 3000 personnes, chacune à notre poste, pour expliquer le processus de fabrication. Les gens étaient passionnés. Mais le clou de la manifestation, c'est les défilés de mode dans le réfectoire, avec les annonces, la musique et tout. Sans oublier mon père en mannequin, s'il vous plaît. Quelle famille! C'est vrai qu'il est beau, ton père. On a bien fait de l'emprunter. Bon, alors maintenant, les ventes, les manifs, les balles et les défilés, ça va continuer. Parce qu'il va falloir tenir. Et pour tenir, il nous faut des moyens. Alors, on s'y met? Bah oui, il y a mon cahier qui attend. Vous avez un peu de temps. Je prépare le dîner. Allez! On trinque. Allez, à la lutte. À la victoire. À la victoire. Ouvrière. Et attention, après le dîner, je vous initie au Scrabble. Oh, non. 7 mars 1981. Orléans. Quai du Roi. Devant l'usine Bril. Salon de la lutte pour l'emploi. Stand de Bril. T'es ok, t'es back, t'es in, t'es ok, t'es back. Tu t'en sors, ma belle? Très bien. Le stand est pratiquement terminé. Les copains m'ont aidé à installer tous les portants et les costumes. Mais j'enlèverai les housses au dernier moment. Je tiens pas à ce qu'ils s'habillent. T'as raison. Très bien ta cabine d'essayage. Très chic avec ce petit rideau. Les tentures aussi, c'est joli. Faut ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est Brill qui est la puissance invitante. Mine de rien, on clôture la semaine d'action en faveur du travail féminin. C'est pas rien. Tiens, justement, je t'ai apporté des tracts et des affiches. Tu les installeras ? Très bien, je fais ça tout de suite. Vivre et travailler en pleine égalité. Qui dit mieux ? On peut dire que les camarades de la CGT ont battu le rappel. Tu as vu ? C'est incroyable ! Plus de 60 représentants d'entreprises venus de toute la France. Je sais plus où regarder tellement c'est beau. Biederman, les parapluies Sauvagna, Nina Ricci. J'ai vu le modèle, il est sublime. La chapellerie Sophique. Tu verrais ces chapeaux ? J'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai essayé. T'as bien fait. Et alors ? Superbe ! Mais bon, c'est pas dans nos prix, surtout en ce moment. C'est sûr qu'avec l'astreinte du tribunal, 100 francs par jour et par occupante si on ne déguerpit pas des lieux, comme ils disent si élégamment. Allez, pensons pas à ça. Aujourd'hui, c'est notre journée. Elle va peut-être contribuer à modifier le cours des choses. Faudrait pas oublier que la plus belle griffe de tout le salon, c'est la nôtre. Libre. Ah, ça c'est une trouvaille. Qu'est-ce qu'on a pu chercher pour trouver un nom de griffe ? Finalement, il suffisait de prendre l'anagramme de Brill, ça fait libre. Mais attention, L-I-B-R apostrophe. Alors les filles, c'est ok ? C'est ok. C'est bat. C'est in. T'es ok. T'es bat. T'es in. J'ai besoin de tendresse. J'ai tellement de problèmes. Oh, mon pauvre, t'as des problèmes ? Mais non, je rigole. Juste qu'il faut courir à droite et à gauche, mais ça va. Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus au bal de la lutte ? Oui, même que Paulette s'est fait agresser à la sortie. Les lâches ! C'est pas le Saint-Esprit qui les a envoyés. Il y en a plus d'un qui aimerait casser notre combat. Même en haut lieu, on le sait bien. Une journée comme aujourd'hui, c'est la plus belle réponse, non ? Et la Sainte Catherine ? Ma mère a dit qu'elle n'avait pas connu une aussi belle fête des Catherinettes. Elle était radieuse, Nadine, en Catherinette de la lutte. Quel symbole ! Et au réveillon, qu'est-ce qu'on a ri ? Qu'est-ce qu'on a dansé ? C'est ça qui les fait marronner, les autres. Qu'on soit dans la panade et les difficultés et qu'on se batte avec le sourire et plein d'amitié autour. Ah ! Voilà Sylvie ! Waouh ! Mais qu'elle est belle, notre Sylvie ! La classe ! C'est toi qui as fait ton tailleur ! Il est magnifique ! Bon, ça va, vous avez fini de me charrier. Et vous êtes pas mal non plus, mesdames. Très élégantes. Vous savez ce qu'on dit de nous dans la presse ? Les manifestants les mieux fringués de France. Quand on travaille dans la couture, c'est une règle. Dis donc, Alain, t'oublieras pas de mettre ton costume ? Cet après-midi pour le défilé. Pour l'instant, je suis dans la manutention. Mon père, lui, il doit déjà être fin prêt. Il fait ça bien. Tu lui diras d'en profiter pour faire répéter les garçons, hein. Il y a parfois un peu de laisser-aller dans la démarche. Faut faire ça comme des pros, ok ? Ok. D'ailleurs, faut que je file au podium voir si tout va bien. Et Georges Segui, il va défiler lui aussi. J'aimerais bien voir ça. N'y comptez pas trop. En tout cas, mesdames, il est ravi de son costume. Je l'ai vu à l'arrivée. Il commence à visiter le salon. Il est rose de plaisir. Quel cirque pour avoir ses mesures, surtout pour l'ampleur de la bedaine. C'était pas facile à demander. En tout cas, le costume tombe impeccablement, digne de notre griffe. Un lainage magnifique. Bon, je file. On y va, Alain ? Faut que je passe au podium, moi aussi, pour préparer l'accueil officiel de monsieur le secrétaire général de la CGT. Ah, voilà Pierrette et Marie-Thérèse. Vous entendez ? Il est libre, Max. Il est libre, Max. J'adore cette chanson. Moi aussi, elle donne la pêche. D'ailleurs, on devrait en faire une chanson pour nous. Elles sont libres, les brilles. Elles sont libres, les brilles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien. Je sens que Pierrette va devoir sortir son cahier. Oui, mais on verra ça plus tard. Avec tout ce qui nous reste à faire... Vous avez vu, Alain ? Oui, il vient de repartir vers le podium avec Sylvie. Il a fait du bon boulot ce matin sur la route nationale. Les camarades continuent à faire signer. Un vrai succès, ces cartes postales invitation adressées au ministre. On va atteindre les 10 000 signatures. 7 000 cartes sont déjà revenues à l'usine. Brill doit vivre, elles ont cassé leur chaîne. La lutte les rend libres. Tu en as assez sur ton stand ? Oh, tu peux m'ordonner un peu. Elles partiront, j'y veillerai. Bon, nous, il faut qu'on s'occupe de l'organisation des visites des ateliers. Et il faut s'assurer qu'on a assez d'exemplaires du dossier pour les repreneurs. Une journée comme aujourd'hui, faut rien négliger. L'objectif, c'est la solution industrielle. Georges Segui va sûrement en parler dans sa déclaration. En tout cas, cette journée, c'est un succès. Vous avez vu tous ces gens ? Oui, on ne pouvait pas espérer mieux. Tiens, au fait, On vient d'avoir un nouvel article dans Le Monde. Très bien. Si seulement c'était un signe des temps, que dans 2 mois, le 10 mai prochain, la gauche arrive enfin au pouvoir. On serait sauvés. Oui, peut-être. Mais pour l'instant, il vaut mieux compter que sur nous-mêmes et garder la tête froide. Et notre petite Sylvie, ça va? Elle tient le coup? On s'est à peine croisés ce matin. Ah oui, oui, elle assure, comme d'habitude. Elle est partie préparer l'accueil officiel de Georges Segui. Moi, ce que je préfère, c'est quand elle fait la présentation du défilé. Quand elle prend sa voix veloutée pour dire dans le micro « Et maintenant, un costume d'hiver signé Brille. Costume 3 pièces en laine, présenté par Laurent. » Dommage qu'elle se cache pour parler. Elle a le trac, comme nous toutes quand on doit parler en public. Mais on finit par se dépasser. Et notre Sylvie aujourd'hui, elle va devoir assurer. Écoutez, je croyais pas si bien dire. Chers amis, chers camarades, je vous demande d'accueillir par vos applaudissements les plus chaleureux, Monsieur Georges Segui. Bravo Segui. Écoutons Segui. La CGT rejette les accusations lancées par le chef de l'État contre les organisations syndicales dont il dénature sciemment les objectifs. On avance, 22 octobre 1983, Orléans, quai du Roi, intérieur de la caravane. On avance, tu vois pas tout ce qu'on dépense, on avance. C'est bien, ça chante. Bah au moins t'as le moral. Bah non, justement. C'est pour ça que je chante. Avec Souchon, on a toujours sa petite dose de tendresse et de dérision. C'est toujours mieux qu'un antidépresseur. Me dis pas que... Mais non, rassure-toi. J'essaie d'éviter. Pourtant, il y a des jours... Les chiffres ne sont pas bons, c'est ça? Comment veux-tu qu'ils le soient? On organise ces 3 jours de vente dans le magasin de l'usine, mais ça va tout juste assurer la paye d'octobre. Le mois prochain, on fait comment? Sylvie était avec toi? Oui, elle arrive. On était au magasin, justement. Marie-Claude fait des merveilles en vendeuse de choc. Elle est incroyable. Nicole et les copines assurent bien. Pour la dernière journée, on devrait faire un bon chiffre. Espérons. Salut, Sylvie. Salut, les filles. Ça boum? Bon, on dirait que ça boum modérément, je me trompe? Bah, Pierrette s'angoisse sur les chiffres et moi... Et toi, tu t'angoisses sur tout le reste, c'est ça? Je sais bien, mais faut surtout pas qu'on lâche, ils attendent que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça va faire 2 ans et demi qu'on occupe l'usine. 2 ans et demi qu'on multiplie les actions en tout genre. Les portes ouvertes, les expos, les meetings, les ventes aux 4 coins de la France. Les pétitions, les manifestations... Les délégations, les courriers, les rendez-vous à la préfecture, au ministère, à la région. Et à chaque fois, les mêmes gueules d'empeigne. Votre dossier est solide, fiable, mais... Mais... Il y a toujours un mais. Le plus beau mai, c'est quand même celui du 10 mai 81. On y a gru à celui-là. On s'est bien fait avoir. Quand je pense qu'on a remis le dossier au président de la République en main propre, il était là avec tous ses ministres, à commencer par le premier, tous à opiner du bonnet, à nous assurer qu'ils allaient suivre notre dossier avec intérêt. Et parole. Faut dire que c'était la première journée internationale des femmes, hein. Ils devaient nous trouver décoratives. Bon. Allez, on se calme. Oui, on respire un bon coup et on repart. Permettez-moi de rappeler tout de même ce qui est positif. L'astreinte a été levée. On a monté des études pour repreneurs. Elles ont été jugées très crédibles. On a obtenu des formations pour les ouvrières. On a remis l'usine en marche et sorti nos premiers prototypes. Le principe de la création d'une société de coopérative ouvrière en attendant un repreneur a été adopté, puis voté. La SCOP s'appelle désormais Brill Steel et a des accords avec les grandes marques comme Givenchy. Et enfin, Sylvie a été nommée directrice générale du directoire. C'est comme ça que je suis devenue la PDG la plus mal payée de France. Au SMIC et encore, pas toujours. Bien sûr, Marie-Thérèse, tu as raison de remettre les pendules à l'heure quand on finit par craquer. Et j'oublie pas tous ceux qui nous soutiennent. À commencer par les maires autour d'Orléans qui nous aident à trouver un nouveau lieu pour l'usine. Ils se mettent en 4 pour nous aider. Mais alors, Pourquoi cette sensation constante d'avancer, puis de reculer? Qu'est-ce qui bloque? Oh. Je crois qu'on le sait toutes, sans vraiment vouloir se l'avouer. Ouais, les filles, ouvrez-nous! Vous étiez enfermées? Ça va? Pas de problème, au moins? Non. Juste un petit coup de mou passager. Et vous? Vous m'avez l'air en forme? Ouais, super. Si vous saviez ce qu'on a vendu, Marie-Claude s'est surpassée. Elle vendrait un smoking à un séminariste. Faut pas exagérer. Vous savez la nouvelle? Il y a des camarades cheminots qui sont venus s'acheter des costumes. Ils nous proposent, avec l'aide du syndicat, de faire une grande vente le mois prochain à la gare Saint-Lazare. Génial! Mais où ça? Salle des pas perdus. On vient avec nos expos, nos tracts, notre stock, nos portants, ma cabine d'essayage et... Messieurs les voyageurs, en voiture! Tous les cadres et cadres supérieurs de la banlieue ouest vont renouveler leur garde-robe. C'est moi qui vous le dis. Vous voyez, on continue, on lâche pas. À la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue, j'ai compté 4 cas et tant de pas perdus. À la gare Saint-Lazare, j'ai lu et j'ai relu tous les journaux du soir, et tu n'es pas venu. 3 mai 1985, Orléans, quai du Roi, intérieur de la caravane. Excusez-moi. Non, les filles, vous allez pas vous y mettre. C'est plus fort que moi, je peux pas m'arrêter. C'est normal, faut que ça sorte. 5 ans, c'est pas rien. Et la banderole, qu'est-ce qu'on va en faire? On la laisse là. Un jour ou l'autre, le vent l'emportera. Et ceux qui passeront pourront lire. Brille, c'est pas fini. Tu parles. Il faut se dire qu'au moins Brille a été repris par Estherelle. Donc Brille, c'est pas fini. Allons, Pierrette, tu sais bien dans quelles conditions ce chauffe-four reprend Brille. Ce type, c'est le groupe Dumez, les travaux publics. Il s'est offert la marque Estherelle. Les négociations de reprise de Brille portaient sur 100 d'emplois. C'est là-dessus qu'on a voté. Et maintenant, il propose de reprendre 15 salariés. 15! En se battant encore un peu, on arrivera peut-être à 20. Mais on pourra sûrement pas aller plus loin. Oui, ils nous auront bien trimballés. On a fini par comprendre quand le ministère nous a dit « Si Estherelle met 3 millions sur la table, on vous soutient ». Et que le lendemain, Chauffour disait « Si l'État débloque des aides, nous reprenons Brille ». Ça pouvait durer longtemps. Ces derniers mois, on aura tout eu. La Loire gelée, les machines qu'on a dû déménager dans les bureaux sous peine d'avoir les mains gelées, nous aussi. En tout cas, aujourd'hui, ce dernier meeting chez Brille a été un beau moment. Un de plus. Il y avait beaucoup de monde. La déléguée syndicale a eu de très belles paroles. Les camarades ont été remarquables. Et pourtant, je venais de leur annoncer le dépôt de bilan de la SCOP. Mais tout le monde savait. J'ai essayé de présenter ça comme une nouvelle étape, en espérant une solution future. En disant ça, j'étais sincère. Même si je suis pas très optimiste. Tu crois, toi, à la solution future? Disons que j'y tiens. On se refait pas. D'ailleurs, je vous annonce que je redeviens simple ouvrière. Pour m'éloigner, notre cher repreneur voulait m'envoyer vendre des bleus de travail à Béthune. Il était prêt à y mettre le prix. J'ai dit pas question. Je retourne à la base et je reprends ma machine. Oh ! Alain ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'apporte le dîner et quelques bouteilles. Ah. On dirait des nouvelles. Vous n'alliez tout de même pas quitter la caravane comme ça. Et en plus, je vous ai apporté quelques chansons que vous aimez bien. Tu veux nous faire pleurer? Mais non, et puis quand bien même, du moment qu'on est tous ensemble. Ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. 2 ans plus tard, 1987. Allô? Allô, Sylvie? Marie-Thérèse, oh, que c'est gentil. Si tu savais comme je pense à toi en ce moment. Moi aussi. Alors c'est fini, pour de bon. Oui, j'ai voulu y croire jusqu'au bout et accompagner les dernières camarades qui avaient été reprises, mais c'était fichu. En fait, c'est lui qui s'en fichait. Un incapable. C'était pas son domaine. Il avait récupéré Estherelle comme autrefois on s'offrait une danseuse. Quel gâchis. Après 7 ans de lutte, 7 ans. Oui, c'est d'autant plus rageant qu'à chaque étape, tout était possible. Possible et fiable. Mais on va pas se raconter l'histoire à nouveau. Non. Mais plus tard, il faudra le faire. T'as raison. Mais pour l'instant, il faut dépasser tout cela et tenter de vivre. T'as des projets ? J'en ai un. C'est déjà ça. On en parlera plus tard. Tu sais, Brille a changé nos vies à jamais. Il faut se dire que nous avons vécu une aventure exceptionnelle. Que lorsque la vie est menacée, les femmes sont capables de se lever et de montrer qu'il y a une autre vie possible. Oui. Une espérance de vie. Une espérance vécue collectivement. Une espérance qui peut devenir l'espoir des autres. Dis donc, on ne devient pas un peu lyrique, là? T'as raison. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, tu gardes le chiffon rouge accroché à ton cœur? Plus que jamais. C'était Brille, 1980-1987. Un combat de femmes, de Jean-Pierre Tiercelin, avec Suzanne Aubert, Sylvie, Hélène Lausseur, Marie-Thérèse, Peggy Martineau, Marie-Claude, Quentin Barbosa, Alain, Manon Leroy, Pierrette, Pauline Ziadé, Nicole, et les voix de Ariane Brousse, Élodie Vincent, Aline Stinus, Didier Mérigou. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Marie Lepeintre, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Justine Diebling, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidoroff. Je suis le centre du motif. Chaque fil est une tendresse. Chaque fil avec moi se tresse. Me prend ce que j'ai de plus vif. Je suis le centre du motif. Je suis le centre de la toile. En certains lieux vient une étoile, en d'autres c'est un coup de griffe. Je suis le centre du motif. Vous en ferez une dentelle, à condition que je sois telle que vos rêves les plus hâtifs. Je suis le centre du motif. Vous en ferez une rosace si je reste bien à ma place et sans un abandon furtif. Je suis le centre du motif. Je suis l'araignée prise au piège, l'âne qui tourne le manège. Je suis l'égoïsme tardif. Je suis le centre du motif. Maille si je me détricote, si je m'altère fausse note, si mon cœur est inattentif. Le tissage s'éraillera, se défera la belle ouvrage. Peut-être alors serai-je sage, peut-être alors serai-je moi. Affaires sensibles, la fiction. Michel, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes normalement au chômage et je vous vois en train de travailler, je comprends pas très bien. Je redémarre mon usine, j'ai besoin de travailler. Donc je suis comme toutes celles qui sont ici, je fais redémarrer mon usine de façon à avoir mon travail. Vous vous retournez un peu en apprentissage là, vous aviez perdu la main? Oh, pas tellement, mais enfin bon, comme on n'est plus assez, il faut qu'on apprenne de nouveaux postes. Et puis voilà. Vous allez être bientôt propriétaire de l'usine dans laquelle vous travaillez avant. Quel effet ça vous fait ? Bon, bah, être propriétaire, c'est un bien grand mot. On sera actionnaire, bon, mais on sera quand même dans l'atelier, on travaillera, on fera tourner notre usine, c'est tout. C'est tout et c'est déjà beaucoup. Il aura fallu 31 mois d'occupation de leur usine aux ouvrières de Bril pour en arriver là. Elles étaient 320 lorsque la direction a déposé le bilan de cette usine qui fabriquait 70% des costumes griffés Cardin. Elles seront au mois de mars 70 à repartir sous forme de coopérative ouvrière, cette forme différente d'entreprise issue, comme on le voit, de la simple nécessité, mais obtenue au bout d'une lutte de longue haleine. Au cœur du processus de redémarrage Bril, un plan de formation. On a sur ce plan chaque poste de travail, chaque opération dans le costume. Et sur le côté, il y a le nom de chaque ouvrière et ce qu'elle est capable de faire, en essayant de faire le maximum de polyvalence, c'est-à-dire qu'il y ait 3 ouvrières qui sachent faire chaque opération. Pour les ouvrières de Bril, il est pourtant urgent que la direction du travail avalise ce plan de formation. Il faut repartir très vite et produire à nouveau sous une griffe prestigieuse de très haute gamme. La qualité exigée le plaçant hors de portée des concurrents étrangers. Le slogan du PCF, fabriquons français, trouve là au moins un terrain favorable. Fabriquons luxueux, faudrait-il préciser en l'occurrence. Et c'est une municipalité à dominante PC qui accueillera le déménagement des Brils grâce à un financement du bassin d'emploi et un avis favorable du ministère de l'Industrie. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Bril 1980-1987, un combat de femmes. Notre invitée Sylvie Dubois, ancienne ouvrière de Bril, dont elle a été porte-parole pendant la lutte. Bonjour Sylvie Dubois. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes à Lyon et vous êtes aujourd'hui cadre mutualiste dans une mutuelle santé et élue locale adjointe aux finances dans la ville de Saran qui touche Orléans. Hein. Quand on vient de Paris par l'Enva, on passe par Saran. Voilà. J'en reviens à l'essentiel. Vous êtes toujours militante CGT, militante au Parti communiste ? Oui. Bon. Alors, vous étiez très impliqué dans la lutte des Brils de 1979 à 1987, et comme nous le disions, vous avez été porte-parole des ouvrières en grève. Vous êtes d'ailleurs, alors c'est pas habituel, mais vous êtes l'un des personnages clés de la fiction que nous venons d'écouter. C'est la première fois d'ailleurs que un ou une des héroïnes de l'histoire que nous racontons est invitée pour la partie entretien. Bah, c'est une première. Vous vous êtes reconnue ? Oui. Et alors ? Oui, complètement. Et ça fait un drôle d'effet, parce que, y compris dans cette fiction, c'est tout à fait notre parler. Parce que, bah, en usine, on a un parler particulier, on s'en rend compte après, hein, quand on y est, on le voit pas. Mais effectivement, il y a quelques termes, ce qui m'ont fait sourire. On appelle ça, j'en profite hein, pour le dire aux auditeurs, on appelle ça des fictions parce qu'il y a des scénarios, parce qu'il y a des auteurs, parce qu'il y a un travail littéraire, parce qu'il y a de l'imagination, mais toujours adossé à des histoires bien réelles. Hein. Absolument. Et nous y sommes. Alors, parlons de cette histoire bien réelle. On va commencer par la fin, si ça vous gêne pas. Les derniers moments de lutte quand l'usine ferme, donc c'est la fin de cette histoire, en tout cas de son premier épisode. Comment vous prenez les décisions entre vous toutes ? Vous vous dites, bon, on va pas se noyer dans le chagrin et l'impuissance, on va se battre. Comment ça se passe ? La genèse de ce combat ? Alors, au niveau de la fermeture de Bril, il est vrai que au départ, on a vécu au cours des années précédentes une restructuration des ateliers. Il commençait un peu plus à l'industrialisation, si je peux me permettre, mais c'était pas une vraie modernisation, puisque c'est quelque chose qu'on a reproché. Hein. C'est sûr que la fermeture a été liée justement au manque d'investissement, au manque de modernisation, en sachant que notre travail était quand même un travail en partie ce qu'on appelle manuel, puisqu'on avait une grande partie aussi sur mesure, auquel on était très attaché, mais ça méritait quand même une modernisation. Donc, il y avait déjà eu un premier plan de licenciement. Donc on était inquiète, parce que tout ce qu'on voyait évoluer dans l'entreprise, pour nous, n'allait pas forcément dans le bon sens, on n'y était pas préparé, il n'y avait pas la formation adéquate, donc on le sentait un peu venir. Et puis, quand on a eu cette nouvelle, on s'est réunis, je me rappelle, dans l'atelier où j'étais, et moi-même, j'avais une expérience précédente avec ma grande sœur, qui, 2 ans auparavant, en 77-78, elle était dans une usine de plasturgie. Et un matin, elle a eu un coup de fil avant d'arriver au travail. La voisine qui habitait en face l'usine a vu des mouvements de camions Et quand ils sont entrés dans l'usine, ils se sont rendus compte que toutes les machines, c'était de la plasturgie, donc c'était des grosses machines-outils, les fils avaient été sectionnés, il n'y avait plus que les fils qui pendaient au plafond. Les plus grosses machines, ils n'ont pas eu le temps de les enlever parce que les ouvrières se sont tout de suite mis devant les portes. Moi, j'avais 17 ans et ça m'a vraiment marqué. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la mobilisation de ces personnes. Pendant 9 mois, elles ont occupé l'usine et comme j'habitais pas loin, moi j'allais les voir le soir. Il y avait toute une ambiance qui, à mon âge, à cet âge-là, m'avait fascinée. Et donc, par réflexe, au moment où nous, on a appris la fermeture de l'entreprise, je leur ai dit, écoutez, c'est simple, faites comme chez Axo. Eh bien, on occupe les filles. On va quand même pas risquer de se faire piquer les machines. Alors là, c'est une réaction de j'avais 20 ans seulement. Oui, donc, de combativité. Alors, c'est pas toujours le cas. Puis militante déjà. Et militante, mais c'est pas toujours le cas d'autres ouvrières ou ouvriers quand leur usine ferme. On est dans ces moments où tout semble s'écrouler, disparaître. Oui. Le travail, mais aussi la vie. Qu'est-ce qu'on ressent précisément à un moment comme ça? Eh bien. Ce qu'on ressent, c'est surtout, c'est bien l'effondrement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit, aïe, plus de travail, ça veut dire plus de salaire. Ça veut dire la catastrophe économique et financière dans la famille. Ouais, oui. Et puis, pour retrouver du travail, vous savez, quand on a travaillé à l'usine, surtout pour les personnes, moi j'étais jeune encore, il n'y avait pas longtemps que j'étais dans cette usine, hein, depuis 77 seulement. Sauf que moi, mes collègues, elles avaient fait que ça. C'est-à-dire qu'une femme, mère de famille, qui se retrouve sans boulot du jour au lendemain, tout de suite dans sa tête, c'est « Ah, qu'est-ce que je vais faire ?» Du travail, à l'époque, on pouvait en trouver, mais dans quoi ? On a travaillé pendant des années, toute une carrière, à être derrière une machine, à faire une opération particulière. Il y a un sentiment de panique. Est-ce qu'il y a de savoir rien faire d'autre. La seule solution, c'est pas d'aller chercher du travail, mais c'est de rester tout ensemble pour se battre pour empêcher cette fermeture qui est pas juste. Alors, donc, le carnet de commandes était plein. Oui. Pour nous, il n'y avait aucune raison que ça ferme. Bon, alors, comment ça se passe? À quel moment vous décidez de créer cette SCOP? Comment on en crée une? Quelles sont les difficultés? Tout ça, on va le voir après une petite pause. On va écouter un disque pendant 3 minutes. Et puis on parle de ça après. À tout de suite. Bon temps des usines, à l'époque des machines. Il y avait des ouvrières, de très jolies prolétaires, autant dans l'industrie. Je me souviens bien des filles, en bleu de travail, bien serrées à la taille. Je suis le dragueur des usines, le truand des ouvrières. Mais il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'ouvrières. À l'époque industrielle, j'aimais bien les manuels. Intermittents en sueur, leur journée de labeur, c'était le bon temps où on engageait des gens. Et les filles que j'aime sortaient de l'usine à la chaîne. Je suis le dragueur des usines, Don Juan des ouvrières. Mais il n'y a plus d'usine, et il n'y a plus d'ouvrières. Je suis le dragueur des usines, il n'y a plus d'ouvrières. Plus une seule sur terre. Tous les jours, elle travaillait. Mis à part le 1er mai, où elle défilait très fière avec le glace ouvrière. La vie est étrange. Aujourd'hui, je débauche au bureau d'embauche. Depuis qu'il n'y a plus de suis chômeuse. Ces filles sont mon but ultime. Et je veux toutes les rendre heureuses. Les rendre heureuses. Je veux toutes les rendre heureuses. Les rendre heureuses. Je veux toutes les rendre heureuses. Le dragueur des usines, donjon des ouvriers. Mais il n'y a plus d'usine et il n'y a plus d'ouvriers. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sylvie Dubois, vous décidez, quand les actionnaires de votre usine décident de fermer les portes, de vous battre et de créer votre propre marque. Alors ça s'appelle une coopérative, une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Racontez-nous le projet, les difficultés, les complexités. J'imagine que mettre en place une coopérative, former des gens, parce que les cadres, ils sont pour la plupart partis, hein, ainsi que les dirigeants, convaincre les administrations, mais aussi les banques, les marques, inventer pourquoi faire et comment. Tout à coup, ça devient complexe tout ça. Alors cette décision, nous l'avons prise, si on calcule, fermeture en 1980 et création de la coopérative en 1983. C'est-à-dire qu'entre-temps, c'est de l'occupation d'usines jour et nuit. 365 jours sur 365 jours. C'est-à-dire que nous avions une organisation, on faisait des équipes, et tous les jours, on rentrait à l'usine et on s'entraînait, on fabriquait, on finissait les stocks qui étaient en cours. On préparait une collection. C'est une collection de lutte, tout à fait. On a rappelé un chef avec nous pour la coopérative, mais la coopérative voit le jour qu'en 1983, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une préparation. On était soutenu par la CGT, qui venait, les autres militants venaient nous soutenir dans la lutte hein, et venaient occuper avec nous. Mais toujours, notre seule priorité, pour nous, c'était la sauvegarde de notre outil de travail, la sauvegarde des tissus, c'est-à-dire pas de vol dans l'entreprise, protection de l'outil, graissage des machines en continu pendant 3 ans. On y a passé les réveillons, on y a passé les anniversaires, on y a passé les vacances. On a protégé notre usine d'un bout à l'autre. D'ailleurs, je pense que ça devait y compris rassurer les propriétaires parce qu'on a été vraiment à bichonner notre usine. On a eu à un moment une négociation avec le syndic. On a réussi à faire salarier par le syndic une petite équipe qui justement venait régulièrement pour continuer à entretenir les machines et à les protéger. Après c'est une forme d'autogestion. Comment ça marche? Qui prend les décisions? C'est collectif? Collectif toujours. Ouais. Très démocratique, c'est-à-dire que toutes les décisions, y compris quand on recevait des journalistes, puisque j'ai entendu tout à l'heure l'interview des ouvrières, il fallait que tout le monde soit d'accord pour que tel et tel journal entre dans les locaux. Pierre Cardin est venu lui-même nous proposer le rachat de ces tissus, parce que c'était des tissus de valeur, hein. Beaucoup de lainage du nord de la France ou italien, puisque c'était des costumes de grande qualité. Et il a essayé de racheter son stock, on ne l'a même pas laissé rentrer dans l'établissement, on l'a reçu sur le trottoir, Pierre Cardin. Est-ce que donc ça fonctionnait sur le principe de l'unanimité? Parce que ça peut être des blocages aussi, hein. Si on trouve pas l'unanimité, on n'avance pas. Ça m'agaçait beaucoup parce que moi qui étais militante, syndicaliste, politique et jeune, j'avais quand même du mal à comprendre. Et j'ai appris ce que c'était la démocratie grâce à mes camarades autour. Parce que tout le monde n'était pas sur les mêmes idées, tout le monde n'était pas forcément syndiqué. Tout le monde n'était pas communiste, faisait pas forcément partie de la cellule. Donc, j'ai appris moi-même à la tolérance, à accepter la contradiction. Quand une disait non, eh bien, on remettait en cause tous nos projets, y compris d'action. Vous aviez des liens avec d'autres usines en grève, d'autres ouvriers et ouvrières en France, même en Europe? En France. Il y avait déjà de quoi faire. J'ai l'impression, alors j'acquiesçais évidemment en vous écoutant avec un petit qui voulait dire vous en seriez bien passé de voir votre usine fermée, mais en même temps j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de fort. Alors il s'agit pas de souhaiter que son usine ferme pour vivre un truc fort, évidemment, c'est pas ce que je dis, mais je sens au travers de vos paroles que c'était un moment incroyable, un moment de vie incroyable, non? Oui, parce que ça naît au fur et à mesure de la lutte. D'abord, on apprend à se connaître, parce qu'on se connaît au travail en tant que collègue de travail. Par contre, dans la lutte, c'est tout autre chose. Cette solidarité, ne serait-ce que pour les repas, vous voyez, c'était le partage en commun. Chacun amenait ce qu'elle avait amené. Chacun, ouais. Voilà, il y a ce soutien, cette la découverte, les actions qui font qu'il y a des liens humains importants qui se créent. Moi, je dis c'est un moment que j'oublierai jamais dans ma vie, mais c'est sûrement aussi un moment qui a participé à la construction de ma vie d'après. Voilà, parce que cette expérience, ça ne peut pas laisser indifférent, surtout autant d'années. Alors évidemment, je préfère retenir les bons moments, mais il y en a eu des très mauvais. Il y a eu des moments de menaces, il y a eu le tribunal. On a tenté de vous mettre les bâtons dans les roues, c'est ça. Sans arrêt, sans cesse. Parce que les scopes, c'est libre. C'est pour ça que ça ne plaît pas, vous pensez? Alors je pense que déjà c'est un modèle économique, encore plus à l'époque, qui est en pleine contradiction avec le système capitaliste, mais par-dessus le marché, dans notre domaine de la confection, de la couture de luxe, ça va complètement à l'encontre du système. On le sait bien, hein, les freins qu'on a eus dans le cadre de la création de la coopérative, eh bien c'était les freins financiers. Les banques n'ont pas suivi, les hommes politiques, a fallu qu'on les mette autour d'une table, y compris la préfecture, y compris les élus, la région, où il fallait les convaincre de la viabilité de notre projet. On l'a écrit, notre projet. Hein, on a été aidé par un cabinet d'experts comptables pour avoir un montage financier, avoir une collection, pouvoir aller dans des salons comme le reste de l'industrie de l'habillement, c'est sûr que c'était mal vu. Sylvie Dubois, je vous pose une dernière question qui peut générer une longue réponse, je sais, donc je vous demande de faire une réponse courte parce que c'est la fin, mais enfin, vous continuez, vous, à militer, fidèle à vos idées de gauche, à vos idées communistes. Quel regard vous portez sur le sort de l'ouvrier aujourd'hui en France? Alors déjà, moi... Ce que je me rends compte dans les luttes aujourd'hui, alors sauf une dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est d'entendre que dans certaines entreprises, quand il y a fermeture, les salariés sont plus prompts à négocier la prime de départ que d'essayer de sauver leur emploi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors, le contexte peut peut-être s'expliquer, mais ça, c'est quelque chose qui me gêne. Mais par contre, quand on voit des exemples importants de coopératives ouvrières aujourd'hui, qui ont finalement peut-être une meilleure image qu'à notre époque, et je pense à la lutte des Fralib, c'est une coopérative ouvrière, hein, à Géménez, et eux, on font la démonstration que c'est possible. Mais les Fralib, d'ailleurs, je précise que nous consacrerons une affaire sensible dans le cadre des émissions du lundi au jeudi aux Fralib. Bon, on va conclure, voilà, ces vidéos. Je sais que vous avez posé une question très importante. Voilà ce que je voudrais dire quand même, c'est que je pense sincèrement que les coopératives aujourd'hui peuvent être une alternative aux problèmes économiques, aux fermetures d'entreprises. C'est-à-dire que il serait bien de faire une loi que quand il y a rachat d'entreprise, liquidation, qu'il y ait une priorité qui soit donnée aux ouvriers pour racheter leurs entreprises. Alors bien sûr, on sait que ça a un coût important, mais un dispositif de financement et d'accompagnement devrait être mis en place, et de formation pour donner la priorité aux ouvriers, pour relancer les entreprises. Ça serait bon pour l'économie, ça serait bon pour l'ensemble du tissu social français et du tissu social. Voilà. Sylvie Dubois, je vous remercie pour ce témoignage de ce que vous avez vécu et de la création de cette SCOP. Au revoir, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Brill, 1980-1987, un combat de femmes. Fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidoroff. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Nioro. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pauline Laverdure et Grégory Wallon.